C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque, vous pouvez lire sur les sites de www.centra.qc.ca, Québec Pop, www.québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, où il y a beaucoup d'informations sur les artistes et la musique franco-canadienne. Cette semaine, Raphaël Bocleux, album éponyme. Eh bien, premier opus complet pour l'auteur, compositeur, interprète acadien Raphaël Bocleux, qui nous partage des images et souvenirs de son enfance en Van Vaux bleu rouillé, comme qu'il dit. Un univers folk rock avec un peu de pop, un peu de rock, un peu de country. Raphaël Bocleux nous captive par la fraîcheur de son propos et de ses mélodies. Il s'entoure d'un spécialiste en la matière, en la personne d'Éloi Pinchot, qui est un ex-membre de la formation Okoumé. Ce dernier a réussi à bien doser les instruments pour créer un flot continu de mélodies captivantes du début jusqu'à la fin. Sur quelques pièces, Claudia Bouvette vient harmoniser sa superbe voix et à celle de Raphaël Bocleux pour une plus-value des plus agréables. Je vous donne bien sûr des adresses pour vous procurer cet album-là en allant tout simplement sur www.raphaelbocleux.ca ou encore www.plage.net. On va y aller avec une première plage, une de mes chansons préférées. Ça s'appelle Reset. Assez intéressant, merci, comme pièce. Donc voici l'auteur, compositeur, interprète acadien Raphaël Bocleux avec sa chanson Reset. Salut mon chum, viens qu'on jase dans la cuisine, parce que t'as de l'air d'un gars qui en a plein son casse. Je te reconnais plus, on te voit même plus au gym. Depuis qu'elle t'a laissé, qu'elle t'a fait perdre la face. Depuis qu'elle t'a laissé, qu'elle t'a fait perdre la face. Là, à soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va chez ses filles, sans boire une coupe de fête. Là, à soir, il est temps qu'on fasse un reset. J'pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète. En gear, même si nous autres on est là pour t'aider à t'en sortir. Mon arrière-grand-mère disait que pour réussir dans la vie, faut se kicker le derrière jusqu'à ce que le soulier esprit. Faut se kicker le derrière jusqu'à ce que le soulier esprit. Là à soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va chez ses filles, sans boire une coupe de frais. Là à soir, il est temps qu'on fasse un reset. J'pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète. Là à soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va chez ses défis, sans boire une coupe de frais. Là à soir, il est temps qu'on fasse un reset. J'pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète. Qu'on va en rire. Donne-toi juste un peu de temps, ça paraît toujours pire. Puis dans 5 ans, je te jure qu'on va en rire. Donne-toi juste un peu de temps, ça paraît toujours pire. Là à soir, il est temps qu'on fasse un reset. S'en va chez ses filles, sans boire une coupe de fête. Là à soir, il est temps qu'on fasse un reset. J'pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète. Là à soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va chez ses filles, sans boire une coupe de frais. Oh là à soir, il est temps qu'on fasse. serait le temps que tu reviennes de ta planète. Certaines pièces m'ont vraiment séduite. Tel est le cas de la pièce qu'on vient d'entendre, Reset, là, qui est un beau jeu de guitare pop-rock qui finalise bien une belle mélodie accrocheuse qui accompagne un des beaux textes du disque. Valérie en est un autre beau texte sur fond country folk qui démontre bien la magie vocale du duo Raphaël Buckler et Claudia Bouvette. Mon coup de cœur est dans mes bras, un beau crescendo folk merveilleux qu'on va entendre dans quelques instants, avec un jeu de guitare tout en douceur pour vraiment le texte de l'album sur des parents en devenir. Deux mots pour décrire cette pièce, paisible et sérénité. Je tiens aussi à mentionner une pièce qu'on va entendre en fin de commentaire. Là. C'est une toune un peu à la Johnny Cash, sans rien devoir à personne et un petit bout d'énergie très captivant, mais merveilleux. Pour l'instant, voici ma préférée, dans mes bras, Raphaël Buckler. Laisse-moi te conter des histoires. Repose-toi les ailes. Prendons un break pour asseoir. Peut-être que demain matin, on pourra rire de tout ça. Mais pour asseoir ma belle, laisse-moi te prendre dans mes bras. Pour asseoir ma belle, laisse-moi te prendre dans mes bras. Je sais que c'est pas facile de prendre ça un jour à la fois. C'est-tu un elle, c'est-tu un il, on le saura, ne t'inquiète pas. Le corps est fait plus fort qu'on ne peut l'imaginer. T'es mon trésor en or, je suis content. Sois ma belle, laisse-moi te prendre dans mes bras. Pour asseoir ma belle, laisse-moi te prendre dans mes bras. Prendons un break pour asseoir. Partout où il est passé, l'auteur, compositeur, interprète acadien Raphaël Buckler, diplômé de l'École nationale de la chanson de Granby, a su tirer l'attention et faire sa place. Il nous présente ici son premier disque éponyme complet, 11 plages intéressantes qui nous captivent du début jusqu'à la fin, un timbre de voix unique qui dégage un plaisir d'exécution qui se transpose facilement en un plaisir d'audition. Découvrez cet artiste acadien en visitant son site internet www.raphaelbuckler.ca et pour vous procurer son album, ainsi que sur le www.plage.net. On va y aller avec une dernière plage qui s'appelle tout simplement « Sans rien devoir à personne ». Et dès la première écoute, l'image qui m'est venue rapidement, c'est celle d'une bonne pièce de Johnny Cash. Un petit bout d'énergie très captivant. Donc, et intéressant comme texte également. Donc, voici « Sans rien devoir à personne », Raphaël Buckler. Sir. Quand j'étais petit gars, tout seul assis sur mon sofa, je gardais dehors. Je rêvais tout fort, je rêvais de faire le tour du monde, d'avoir un char, d'avoir une blonde, d'avoir un beau château sur le bord de l'eau. J'avais le sourire au visage, tellement le boss de mon paysage, sans rien devoir en personne. J'avais le sourire au visage, tellement le boss de mon paysage, sans rien devoir à personne. Je me disais que ça allait être facile de percer dans la grande ville, que tout le monde allait faire la file. Oh, pour venir voir mon Joe, pour venir voir mon rodeo, je serais le king de la six string. J'avais le sourire au visage, tellement le boss de mon paysage, sans rien devoir à personne. J'avais le sourire au visage, tellement le boss de mon paysage, sans rien devoir à personne. Vingt ans plus tard, j'ai un bac pas complété, 20 000 d'indettes, puis je reste encore chez mes parents. Des fois je m'installe sur mon sofa, puis y'a une chose que je comprends pas, où sont passés tous mes rêves de petit gars. J'avais le sourire au visage, demande un poste de mon paysage, sans rien te voir à personne. J'avais le sourire au visage, de mon imposte, de mon paysage, sans rien te voir à personne, sans rien te voir à personne, sans rien te voir à personne. Si on sent Oh, oh, oh. La charmante Marie-Claude et Sablier, qui a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario. Et comme je vous l'ai dit dans les semaines passées, cette pièce-là est la présence de Marie-Claude dans une publicité de Aéro. Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour elle. Et j'ai entendu dire que, dans une entrevue, qu'elle avait été choisie à France d'amour. Donc, c'est quand même un beau compliment. Donc, Marie-Claude qui va faire partie, en passant, des demi-finales du Festival international de la chanson de Granby. Je pense que c'est le 50e anniversaire du Festival international de la chanson de Granby cette année. Et il y a plusieurs demi-finales. Il y en a 4, plus précisément. Donc, dans la première demi-finale, le 15 août, il y a Alpha Toshinesa de l'Alberta qui va être là. Dans la troisième demi-finale, le 17 août, il y a René Ray et Daniel Groslo de l'Ontario qui sont présents dans cette demi-finale. Et la dernière demi-finale, la quatrième, c'est le 18 août, Marie-Claude y sera. Donc, à tous ces artistes franco-canadiens, on leur souhaite bien sûr la meilleure des chances. L'important, c'est de participer, de s'amuser. Et soyez fiers de qui ce que vous êtes et soyez confiants. Et tout ira bien, ça j'en suis certain. La soirée de clôture comprendra deux artistes franco-ontariens. Il y a Damien Robitaille qui sera là le 26 août. Damien Robitaille je regardais son site internet. Il y a un été assez rock'n'roll, assez chargé, beaucoup. C'est la tournée d'été de Rosec, donc il s'en va dans l'Est du Québec faire au moins une dizaine, c'est pas une quinzaine de spectacles. Donc, juillet et août, c'est assez occupé pour Damien Robitaille. Et donc, la soirée de clôture le 26 août, il sera à Granby. Et il y aura aussi Robert Paquette, qu'on voit de moins en moins souvent. Robert Paquette, qui est l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien par excellence, c'est le premier. C'est celui qui a parti de balle. Et toujours un plaisir de rencontrer ce gars-là. C'est vraiment... c'est une grosse vedette, mais c'est un gars très sympathique. Tu le rencontres, tout le temps content de te voir. Il jase et c'est bien le fun. Donc, on va entendre, bien sûr, de la musique de ces deux gens-là. Ces deux personnes exceptionnelles. De Damien Robitaille, c'est sa nouveauté tirée de son album Univers parallèle, Ta biographie, encore là, une bonne chanson très rythmée avec un texte intéressant. Donc ça s'en vient dans quelques instants. Par la suite, quand je pense à Robert Paquette, souvent quand on pense à lui, la première chose qui nous vient en tête, c'est Bleu et Blanc. C'est vraiment une chanson, on pourrait dire un classique franco-ontarien. Donc, et puis c'est toujours un plaisir de la faire tourner. Donc, ça s'en vient. Robert Paquette, ça va terminer notre première partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. Mais pour l'instant, on y va avec Damien Robitaille, qui était au Festival du Loup de La Fontaine, 15e anniversaire, tout récemment. On l'écoute. Voici M. Robitaille avec Ta biographie. Je tourne pareil. parler ce bouquin du début jusqu'à la fin. Le tapis repose en paix sur ma table de chevet. Jamais prendra ma y en a même.